Françoise Hardy sur RGM. À presque 8h36, on fait un point sur les événements dans notre département. Je vous en ai parlé tout au long de cette semaine et on continue. Ça nous vient donc de la mairie de Remiremont et on va parler de la cérémonie des vœux à la population qui aura lieu ce samedi à 18h30 au Palais des Congrès. Tous les Romarimontains et Romarimontaines sont cordialement invités. Lors de cet événement, le maire répondra à 3 questions tirées au sort. Alors si vous voulez poser une question et que ce n'est pas encore fait, eh bien dépêchez-vous de l'adresser soit par courrier, soit par mail à l'adresse mairie@remiremont.fr, message privé sur la page Facebook de la ville ou tout simplement la déposer à l'accueil de la mairie. Et on continue avec de la photographie. Chaque année, le village le plus haut perché des Vosges, le Haut du Taux, propose des expositions de photographie à ciel ouvert, les sentiers de la photo. 2 de ces sentiers sont détournés à Remiremont sous les arcades rue Charles de Gaulle et ce jusqu'au 9 février prochain. Allez, presque 8h37, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 17 janvier 1931. Naissance de James Earl Jones, acteur américain connu pour avoir prêté sa voix au célèbre Dark Vador de la saga Star Wars, ainsi qu'à Mufasa dans Le Roi Lion. 1944, naissance de Françoise Hardy, chanteuse française. 1956, naissance de Paul Young, chanteur britannique. 1960, naissance de John Crawford, chanteur-compositeur américain qui fut membre du groupe Berlin. Et une musique du groupe Berlin. Et bien évidemment, je vous ai choisi la plus connue, Take My Breath Away. Voilà donc pour l'extrait du groupe Berlin. Allez, on continue les anniversaires. 1961, naissance de Brian Helgeland, scénariste américain du film The Postman de Kevin Costner, de Mystic River de Clint Eastwood, de Man on Fire de Tony Scott ou encore de Robin des Bois de Ridley Scott. 1962, naissance de Jim Carrey, acteur canadien connu pour son rôle d'Ace Ventura dans Ace Ventura, détective chien et chat, Ace Ventura en Afrique, The Mask dans le rôle de Stanley Ipkiss, alias The Mask, Dumb and Dumber dans le rôle de Lloyd Christmas, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans Dumb and Dumber 2, sorti en 2014. Pardon. Vu dans Batman Forever dans le rôle d'Edward Nigma, alias l'homme mystère, Menteur Menteur dans le rôle de Fletcher Reed, The Truman Show dans le rôle de Truman Burbank, Man on the Moon, Food Irene, Le Grinch dans le rôle du Grinch, Bruce Tout-Puissant dans le rôle de Bruce Nolan, Monsieur Popper et ses pingouins dans le rôle de Popper ou encore Kick-Ass 2. 1964, naissance de Michelle Obama, avocate américaine, première dame des États-Unis de 2009 à 2017. 1968, naissance de Mathilde Seigner, actrice française vue dans Mémoire d'un jeune con, Vénus Beauté Institute dans le rôle de Samantha, Harry, un ami qui vous veut du bien, Palais Royal, Camping 1 et 2 dans le rôle de Sophie Gatineau, Danse avec lui, Trois amis, La guerre des boutons sorti en 2011 dans le rôle de la mère de Lebrac, Maman, Bowling, Max, La liste de mes envies, Boule et Bill 2 dans le rôle de Karine Roba, la maman de Boule, Chacun sa vie, Coexister et la série télé Sam dans le rôle de Sam, la prof de français dans la saison 1 et vu également dans Le ton est assassin dans le rôle de Clotilde Baron. 1969, naissance de Navid Andrews, acteur américain vu dans Coup de foudre à Bollywood. Diana dans le rôle du docteur Asnat Khan. La série télé Lost, les disparus dans le rôle de Saïd Jarrah ou encore Instinct dans le rôle de Julian Cousins. C'est également l'année de naissance de Tiësto, DJ néerlandais. Et on écoute tout de suite un extrait du titre Red Lights. Voilà pour l'extrait de Tiësto. Allez, on continue. 1971, naissance de Sylvie Testu, actrice française vue dans Les Blessures Assassines dans le rôle de Christine Papin, récompensée du César du meilleur espoir féminin. Stupeur et tremblement dans le rôle d'Amélie, César de la meilleure actrice. La Môme dans le rôle de Momon, Lucky Luke dans le rôle de Calamity Jane, La Rafle dans le rôle de Bella Ziegler, Sous les jupes des filles, Les Visiteurs, La Révolution dans le rôle de Charlotte Robespierre, Tamara 1 et 2 dans le rôle d'Amandine, toute ressemblance de Michel Denisot qui doit encore être au cinéma, hein, oui. Et actuellement, on peut la voir dans la mini-série, oui, on peut dire ça comme ça, Peur sur le lac, actuellement diffusée. Elle incarne Alice Wagner. 1973, naissance de François Damiens, acteur belge, vu dans OSS 117, Le Kerni d'espion, Taxi 4, JCVD, Incognito, Le Petit Nicolas, L'Arnaqueur, Rien à déclarer dans le rôle de Jacques Janus, La Famille Bélier dans le rôle de Rodolphe Bélier, et il sera bientôt à l'affiche du film Le Prince oublié dans le rôle de Prit Prout, qui sortira donc très prochainement, c'est le mois prochain je crois, aux côtés d'Omar Sy. 1980, naissance de Zooey Deschanel, actrice américaine connue pour son rôle de Jessica Day dans la série télé New Girl. 1981, naissance de Thierry Hassion, ancien joueur de tennis français, ayant fait carrière de 2000 à 2010, 81e mondial, 32e de finaliste à l'Open d'Australie et Roland-Garros et 64e de finaliste à Wimbledon et l'US Open. 1984, naissance de Calvin Harris, DJ, chanteur, compositeur et producteur britannique. 1986, naissance de Max Adler, acteur américain connu pour son rôle de Dave Karofsky dans la série télé Glee. 1988, naissance d'Albert Ramos Vinolas, joueur de tennis espagnol professionnel depuis 2007. Meilleur classement ATP, la 17e place atteinte en 2017. Quart de finaliste à Roland-Garros, 16e de finaliste à l'Open d'Australie et Wimbledon et 32e de finaliste à l'US Open. Et on termine en 1989 avec la naissance d'Antoine Dio, basketteur français, professionnel depuis 2007, ayant joué à Le Mans, Paris-Levallois, Strasbourg, Valence. Et depuis cette saison, il joue à l'ASVEL Lyon-Villeurbanne. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec Paul Young et son titre « Come Back and Stay ». Shut my eyes and I fantasize that you're here. return. I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you let come back and stay? I was trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Just come back and stay for good this time. Did you like come back and stay for good this time? Eagle. Eh bien voilà, c'était Paul Young avec le titre Come Back and Stay sur le 107FM. Un peu plus de 8h49, on parle météo. La météo. Et aujourd'hui, on passera la journée sous les nuages avec de la pluie, des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 9 et 10 degrés pour cet après-midi. Samedi sera une journée plutôt mitigée avec peut-être avantage aux éclaircies, des températures comprises entre 2 et 3 degrés demain matin, entre 4 et 5 degrés prévus pour demain après-midi et les températures vont continuer à diminuer puisque dimanche on passera la journée sous les nuages mais avec des températures comprises entre 0 et 1 degré et dimanche matin entre 2 et 3 petits degrés prévus pour dimanche après-midi. Là on va vraiment se croire en hiver. Allez, tout de suite on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Le biathlon et la manche de Coupe du Monde à Ruhpolding hier après-midi, c'était le sprint messieurs qui a vu la victoire de Martin Fourcade qui signe ainsi sa 80e victoire en carrière. Il n'est plus qu'à 15 petites longueurs de Leinar Björdalen, mais bon, ça paraît quand même énormissime. Très belle deuxième place pour Quentin Fillon-Maillet. Hein. Il y a seulement 3 petites secondes entre les deux Français. Et c'est un Allemand qui complète le podium. Bénédicte Doll se classe 3e. Et cinquième place ex aequo pour Simon Détieux et Fabien Claude. Et pour les deux autres Français, eh bien Émilien Jacquelin se classe 12e et Antonin Guigona 13e. Hein. C'est quand même dingue de se dire que le moins bon Français est 13e au classement de ce sprint. Hallucinant ce qu'ils réussissent à faire quand même en ce moment, nos bleus. Florent Claude, lui, s'est classé 34e et Tariebeu, lui, 28e. À noter qu'au classement général de la Coupe du Monde, eh bien Martin Fourcade conforte sa première place, suivi juste derrière de Simon Détieux, donc deuxième, et de Quentin Fillon-Maillet, troisième. Et oui, trois Français dans les trois meilleurs biathlètes au monde. Mais Johannes Bö n'a pas dit son dernier mot. Il devrait être de retour normalement dès la semaine prochaine à Paul Kluka parce que ça y est, Johannes Bö est papa d'un petit garçon qui s'appelle Gustave. Pour le reste du biathlon, cet après-midi à 14h30, ce sera le relais féminin. Samedi, 14h15, relais messieurs et dimanche, les poursuites. Alors, on commencera avec les dames à 12h15 et les messieurs à 14h30. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi d'Auckland. Hier, Benoît Paire s'est qualifié en 3-7 face à Milman. Il affronte en ce moment Urquaz. Et à noter qu'un petit peu plus tôt, pour nous en tout cas, Hugo Humbert continue de réaliser de très belle performance puisqu'il s'est qualifié en 2-7 face à John Isner, rien que ça, 7-6 et 6-4. Isner qui était quand même tête de série numéro 4 hein, du tournoi d'Auckland. À l'Open d'Australie, alors à noter hier l'élimination de Janvier face à Viola en 2-7. L'Estienne s'est qualifié en 2-7, il a donc pu jouer aujourd'hui, c'était face à Gojovic et malheureusement le Français s'est incliné en 2-7. Élimination également de Kwako en 3-7 face à Popko. Benchetrit s'est qualifié en 3-7 face à Ruusuvuori. Bourg s'est qualifié face à Martine en 3-7. Alice s'est qualifié en 2-7 face à Lee. Et Muller s'est incliné en 2-7 face à Safouat. Et c'est fini hein, pour nos Bleus aujourd'hui. Il reste encore quelques matchs, mais pas de Français. Un mot de football avec la Coupe de France et hier, la très belle performance du club de Pau qui a éliminé Bordeaux 3-2 après les prolongations. En Coupe de France toujours, eh bien, du côté de chez nous, samedi, Épinal reçoit le club de l'île de la Réunion, le JS Saint-Pierroise. C'est donc au stade de la Colombière. Le match aura lieu à 13h. Un mot de hockey sur glace avec la D2, on reste pas loin de la Colombière, on va à la patinoire de Poisson-Pré. Ce sera à 18h05, Épinal recevra le club des Français volants. On termine avec du basket, les résultats de la NBA. Cette nuit, l'Utah Jazz de Rudy Gobert s'est incliné après prolongation face à l'équipe de Nouvelle-Orléans, 138 à 132, 17 points et 14 rebonds pour Rudy Gobert. L'équipe d'Orlando d'Evan Fournier s'est inclinée face aux Clippers de Los Angeles, 122 à 95, 15 points pour le Français. Et enfin, il y avait un duel franco-français entre les Knicks de New York de Tilikina et l'équipe des Suns de Phoenix de Okobo. Et c'est Phoenix qui s'est imposé 98 à 121. Alors pour Tilikina et New York, c'est 2 points et 6 assistances. Et pour Okobo, c'est 3 petits points. Du côté de chez nous, en Pro B, ce soir, Nancy se déplace à Grisoberg au Fun. Et en National 1, le Jet reçoit le Centre fédéral. C'est tout pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale. Je vous ai choisi... Ah oui, c'est Calvin Harris avec Ellie Goulding sur le titre Outside. Watching you. watching you. Now every other day I'll be watching you. Oh, oh, I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. Oh, we did everything right. Now I'm on the outside. Oh, I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. Oh, we did everything right. Now I'm on the outside. I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. I'll show you what it feels like. Calvin Harris, Ellie Goulding, le titre Outside sur RGM. Il est un peu plus de 8h58, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h30. Lia reçoit l'association Oxygène. À 13h, ce sera Chris avec à la rencontre d'auteurs. 14h30, la rediffusion de J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique. 15h, Jazz Time. À 19h, la bulle de Lia consacrée à Julien Fevote et le livre Mytho Incognito. 21h, Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.